Coucou, vous êtes bien sur Radio Cayenne. Alors, moi, je vais vous causer très vite fait de ce qui s'est passé un peu ce soir. Et du coup, en fait, il y a un appel à rassemblement Manif Sauvage qui a tourné en soirée. Du coup, je vais vous le lire et je vous raconterai vite fait. Du coup, l'appel à rassemblement Manif Sauvage aujourd'hui, 18h30, devant la préfecture de Nantes, contre les meurtres policiers et les mutilations. Appel lancé par des étudiants étudiantes de Nantes. Donc, une femme de 80 ans est morte à Marseille après s'être pris une grenade dans la tête en fermant ses volets au 4e étage. Un homme est dans le coma à Toulouse pour s'être pris un LBD dans la tête. Un jeune s'est fait tabasser par 7 flics en tenue anti-émeute à Paris. De nombreux yeux crevés, membres arrachés et mutilés à Paris et partout en France, dont un trou dans la joue à Nantes. Le tout dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Appel à faire tourner partout en urgence. Du coup, voilà, il y avait un rassemblement ce soir, un petit peu improvisé, mais voilà, enfin, de dernière minute à 18h30 devant la préfecture, contre ces meurtres et ces mutilations policières. Et du coup, a priori, il y avait entre 50 et 100 personnes rassemblées. Un gros dispositif policier, mais bon, rien de très inhabituel, on va dire, malheureusement. Et du coup, les gens ont pu faire un tour dans le centre-ville. Plutôt, bon, une manif motivée qui chantait des slogans, mais rien de plus à signaler. Et quand les gens, du coup, sont passés par le marché de Noël, Place Royale, tout ça, sont redescendus, et quand ils ont voulu remonter la rue de Strasbourg vers la préfecture, le dispositif policier s'est un peu excité et énervé, en mode « vous allez pas faire de deuxième tour ». Et du coup, les gens ont décrété la dispersion devant la préfecture. Et ça a été un peu compliqué, parce que c'était dispersion sous grosse pression policière, avec les flics qui couraient après les gens. Et apparemment, dans l'heure qui a suivi, au moins, mais peut-être plus, les flics étaient en mode chasse à l'homme, et il y aurait eu quand même plusieurs arrestations, même si on n'est sûr de rien. Donc voilà. Et du coup, peut-être ça vaut le coup de rappeler que quand il y a des interpellations, c'est chouette d'appeler la Legal Team au 06 75 30 95 45 06 75 30 95 45 pour signaler ces interpellations sans donner de nom, de prénom ou de blase, mais peut-être en disant un bout de contexte, sans dire ce qu'elle était en train de faire ou était en train de supposer ou ce que t'es supposé faire les personnes ou je sais pas quoi, mais de dire le contexte, genre une charge de bac à tel endroit, à telle heure, etc. Mais ça permet de recenser les interpels. Et puis je voulais aussi dire que peut-être ça vaut le coup, s'il y a des gens qui ont du temps, qui sont dispo, tout ça, d'aller faire un petit tour demain au tribunal pour voir s'il y a des gens qui se retrouvent dans la merde suite à des interpels d'hier ou de samedi ou de, dimanche ou voilà. Ou de ce soir, pardon. Voilà, peut-être on met un peu de musique et on recose un peu plus en détail de tout ça. Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Sans temps ou bien bien quelques décades. Je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade. Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé. Un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. M'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas

à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous, les gardes chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas. Maintenant ça marche plus, il n'y a que deux camps. Vous n'êtes plus du nôtre, à tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance, vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Salut, bonsoir, c'est toujours Radio Cayenne. Et du coup, après cette petite pause musicale, je vais vous lire un article alors que j'ai trouvé sur nantes.indymedia.org et qui fait en fait le bilan des blessés à la manifestation du 1er décembre 2018. Et je crois que ça parle principalement de Nantes. Voilà, du coup, je vais vous lire cet article. À 11h, la manifestation des étudiants et étudiantes étrangers contre les frais universitaires débute, encadrée d'un dispositif policier excessif. La manifestation est néanmoins festive et très heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. À 13h30, part ensuite de la préfecture la manifestation des Gilets jaunes, contre Macron et son monde, qui démarre déterminée et enjouée, cours des 50 otages, direction commerce. Ensuite, on a des photos de blessures assez horrible. Puis le descriptif. À Commerce, un cordon de gendarmes mobiles bloque subitement, le cortège qui refuse de se laisser arbitrairement immobiliser. Je me disais, c'était bizarre. Premier coup de matraque, hématome gazeuse. Les manifestants manifestantes tentent les rues suivantes, mais la BAC et la CDI décident de violemment voler la banderole, ne manquant pas de gazer des visages gratuitement à 20 cm et de matraquer les personnes qui la tenaient. Plusieurs personnes sont ensuite asphyxiées dans les gaz dans le quartier Feydeau. Des grenades désencerclantes sont également lancées, causant de nombreux hématomes, surtout au niveau des jambes. Une personne a été ouverte à l'arcade, nécessitant des points de suture. Le mouvement se poursuit dans les rues de Nantes. Quai Turenne, des grenades lacrymogènes sont vulgairement lancées sur les manifestants-manifestantes qui tentaient de rejoindre Commerce. Place de la Petite Hollande, le cortège est l'objet d'une violente charge. À ce niveau, plusieurs grenades sont tirées, plusieurs en tirs tendus, ainsi que des tirs de LBD-40. Au moins une personne est blessée à la jambe. Une autre est grièvement blessée par un tir de LBD-40 en plein visage. Elle a été orientée rapidement aux urgences. Des cortèges se séparent brièvement, mais se réunissent au niveau du marché de Noël. À nouveau, la CDI tire des grenades lacrymogènes totalement gratuitement. Celles-ci atterrissent dans le marché de Noël, en plein milieu des familles. Les uniformes chargent également à ce niveau. Bilan, deux personnes avec plaies ouvertes à la tête, une fille gratuitement passée à tabac dans une rue derrière la pharmacie de Paris, beaucoup d'autres coups de matraque constatés aussi à ce moment-là, sans plaies objectivées. La manifestation s'est poursuivie dans d'autres rues, notamment vers la gare où la police a procédé à un gazage massif. Plus tard, ils gazeront encore agressivement toute la place du commerce, forçant les passants-passantes à se réfugier et se barricader dans les bars et les restaurants. Une personne a dû être soignée près de Bouffay pour un coup de matraque à l'arcade, plaie nécessitant point de suture encore. Il a été attrapé à commerce vers 18h, passé à tabac dans un camion, puis relâché. Voilà, une pratique un petit peu, enfin devenue classique malheureusement, voilà. Au final, nous avons comptabilisé, donc là c'était un compte-rendu des strips médics de Nantes, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà. Au final, nous avons comptabilisé une quinzaine de blessés par des coups de matraque, des jets inconsidérés de grenades, des tirs de LBD-40. Encore une fois, nous constatons que les pratiques policières sont toujours aussi dangereuses. Et ça, voilà, c'est un bilan pour la seule manif de Nantes, qui n'était vraiment pas la plus agitée de ce samedi 1er décembre. Et du coup, on s'est dit qu'on reviendrait sur les blessés, mais aussi sur les manifs des Gilets jaunes et tout ça, peut-être, enfin sûrement, plus en détail la semaine prochaine. Sur le niveau de la répression, en fait, et aussi de ce qui a pu se passer, même si on va en reparler aussi dans la soirée. Voilà, peut-être on fait une petite pause musicale, et ensuite, soit on enchaîne sur des détails sur les gilets jaunes, soit je vous cause des mouvements lycéens. Voilà. Musique. Yeah. C'est bon? Alors voilà, c'est Radio Cayenne, c'est comme ça. Alors du coup, c'est un peu à l'arrache que je vais essayer de vous parler des mouvements lycéens. Donc j'ai rien préparé du tout, hein, voilà, c'est tout.